tient Georges Ibrahim Abdallah, qui incarne de la manière la plus caricaturale la complicité de la France avec Israël. Ouais, et du coup, il y a la pétition qu'on peut trouver en allant sur votre site. Ouais, sur palestinevaincra.com. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé. C'était un peu rapide, mais du coup, bah, on se tient au jus pour faire un truc un peu plus long sur la criminalisation du mouvement de solidarité. Avec plaisir et merci à vous. Trop bien, salut. Petit canac, ne fais pas attention à ceux qui te dénigrent. Tu t'en sortiras même s'ils veulent te pousser dans le vide. Tu es ici chez toi, même si certains pensent le contraire. Tu es ce que tu es et ton nom te rattache à ta terre. Je te le dis, sois fier de ton identité. Reste le même et affirme-toi en crachant la vérité. Prouve à tous que ce qu'ils font toi aussi, tu peux le faire. Et si ça les énerve, dis-toi que tu représentes pour tes frères. Ce putain de système veut ta perte et tu le sais. Issu d'un peuple colonisé, tu en seras toujours traumatisé. Mais cela, certains refuseront toujours de l'admettre. Excuse-moi vulgarité, mais qu'ils aillent tous se permettre. D'ailleurs, tu n'as pour maître que ton père et ta mère. La famille, c'est sacré, et c'est ton tout premier repère. Et si tu erres sans raison, ressaisis-toi de suite. Évite de déconner, ou les flics se lanceront à ta poursuite. Et si, victime de l'échec scolaire, tu ne comprends pas, ne t'en veux pas, car tu n'es pas le seul dans ce cas. Je sais bien que s'adapter n'est pas si facile. Ce système n'est pas le nôtre, et il nous prend pour des débiles. Je te conseille d'ouvrir des livres et t'abreuver de savoir. Cherche à comprendre ce monde, à commencer par ton histoire. Si tu rêves de victoire, bats-toi pour y accéder. Avec du taf et de la chance, tu pourras y arriver. Petit canard, reste humble. Se la péter, ça sert à rien. Je te le dis, c'est ridicule. Et ça déshonore les tiens. Car rien ne vaut l'humilité qui caractérise les nôtres. Rien ne vaut nos vraies valeurs. Donc ne fais pas comme les autres. Respecte tes potes et frères des autres airs coutumières. Car dans le fond, ça sert à rien de toujours se faire la guerre. À qui cela profite? Pas à nous dans tous les cas. Je crie canard qui unity. Petit canard, l'entends-tu pas? Petit canard, entends ma voix. Car j'entends tes cris. C'est à toi que je m'adresse. Car je m'inquiète pour ta vie, alors tends l'oreille ou tends-moi juste la main si je te parle ainsi. C'est que je pense à demain, petit canard, entends ma voix, car j'entends tes cris. Et si tu me dis kanaki, je te dirai unity, petit canard, je suis comme toi, juste un canard parmi tant d'autres. Retiens juste ça, je me bats pour les autres. Alors surtout ne laisse jamais personne divisé, car comme tu le sais, notre force viendra de notre unité. Je sais que tu feras l'effort d'agir comme il le faut afin de rester digne et d'honorer notre drapeau. Bats-toi pour nos idéaux, sans commettre l'irréparable. N'oublie pas que tes actes seront jugés par tes semblables et par les autres aussi. Donc évite de te salir, réfléchis avant de l'ouvrir, et surtout avant d'agir. Écoute, car je te parle pour que tu comprennes que la vie est ce qu'on en fait, et que tu en tiens les rênes. Tu sais d'où que tu viennes, je t'en prie, reste le même. Que tu évolues en tribu ou dans la chaîne urbaine, les problèmes restent les mêmes, car rien n'est facile. J'en place une au passage pour tous nos frères en exil de la grande terre aux îles. Mon message, je colporte au fur et à mesure. Ma parole devient forte, mais bon, libre à toi de faire ce que t'en veux. Moi je l'ouvre pour les nôtres, pour qu'un jour tout aille mieux, pour qu'un jour on s'en sorte et qu'un jour on soit fort. Et j'espère voir ça avant les jours de ma mort. Je suis venu mettre le score, mais plus rien ne m'amuse. Et en pensant à nos leaders morts, leur système j'accuse. Mais ce qui est écrit, je ne fais que le dire. Faut qu'on aille de l'avant, donc prépare ton avenir. Petit canard, nous sommes pareils, malgré nos différences et malgré nos divergences. Faisons preuve d'intelligence. Vous êtes toujours à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. On rappelle rapidos les contacts principaux. Ouais, alors pour nous écrire, c'est fpp-l'envolée au 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris. Et pour nous appeler en direct, c'est au 01 40 05 06 10. Et sur le portable, donc ça c'est toute la semaine, au 07 53 10 31 95. Voilà, et du coup là on est avec Julie pour faire un grand point sur la situation à la fois en Kanaky et en métropole du coup. Du coup on s'était dit qu'on allait commencer un peu par remettre dans le contexte, parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas trop revenu dessus, et voir un peu la répression actuelle qui continue en Kanaky. Ouais, alors juste pour rappel, pour que bon, tous ceux qui ont peut-être pas les éléments, mais pour comprendre le contexte en Kanaky, bon, je rappelle que la Kanaky, Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire du Pacifique, c'est un archipel qui est sur un territoire qui, sur la liste des pays à décoloniser depuis 86. Et donc c'est pas la France, c'est un territoire non autonome, mais c'est pas du tout un département français et tout. Et la France, elle est que puissance administrante pour accompagner le processus de décolonisation. Et en fait, depuis 1998, il y a eu l'accord de Nouméa. Donc, c'est un accord qui a été signé pour déterminer le processus d'autodétermination, donc avec trois référendums qui étaient prévus de consultation. Et donc, il y a eu le premier référendum en 2018, le deuxième référendum où le nom à la pleine souveraineté, ben, du coup, c'est le nom qui avait emporté, sachant qu'il y avait beaucoup de Kanaks qui n'étaient pas inscrits sur ces listes-là. C'est pourquoi l'USTKE n'avait pas participé, du coup, n'avait pas appelé à la participation. Au deuxième référendum, il y avait, du coup, des inscriptions, pas mal d'inscriptions au niveau Kanak. Et deuxième référendum s'est passé en 2020. Il y a eu une très forte poussée indépendantiste et ça s'est joué à 9000 voix près, en fait, l'indépendance. Donc là, la France a quand même bien bégayé, et aussi les colons sur place, hein, les partis de la droite coloniale sur place. Et en fait, on s'attendait au troisième référendum 2 ans après. Et en plein Covid, l'État français a imposé la date de décembre 2021 pour la troisième consultation, alors que l'ensemble des mouvements indépendantistes, le Sénat coutumier, enfin tout le côté Kanak, qui est quand même le peuple d'origine et qui est reconnu comme premier pour s'autodéterminer pour le territoire, n'a pas participé. Et donc l'État français n'a pas voulu décaler la date, sachant qu'il y avait la question du deuil coutumier et les gens n'allaient pas participer dans tous les cas. Et donc en 2021, donc, sans participation du peuple Kanak, le troisième référendum est passé. Donc ça a été bien sûr le oui à rester dans la France, mais en fait c'est un référendum qui a été volé. Et donc du côté du mouvement indépendantiste, il y a la revendication du fait que le troisième référendum ne s'est pas passé, et donc on ne peut pas sortir de l'accord de Nouméa pour le moment, et il y avait une pression de l'État français pour justement pousser à sortir en disant le troisième référendum a eu lieu, etc. Sachant qu'au niveau des Nations Unies, le territoire reste sur la liste des pays à décoloniser, donc finalement le troisième référendum n'est pas reconnu pour le moment en tant que tel. Et donc l'État français fait comme s'il avait déjà eu lieu, la droite locale pareil, et a poussé donc en 2023 à un texte, un passage en force d'un texte de loi pour l'ouverture du corps électoral. Donc le gel du corps électoral, c'était dans les accords de Nouméa, c'est-à-dire que toute l'immigration récente en Kanaky, toutes les personnes qui arrivaient en Kanaky n'allaient pas voter justement ni au provincial, n'allaient pas voter au provincial, c'est les provinciales qui détermine après les élus pour le congrès de Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a un congrès local. Donc, il faut savoir qu'en plus, c'était à la tête du congrès, c'était de façon historique, entre le deuxième et le troisième référendum, c'est un indépendantiste kanak qui est arrivé à la tête. Donc, c'était aussi une manière de vouloir le désinguer. Et donc, ce passage en force, du côté indépendantiste, il y a une grosse mobilisation. Et à partir de novembre 2023, il y a eu la création sur le terrain de la cellule de coordination des actions de terrain qui rassemblait les différents courants indépendantistes pour sensibiliser la population sur le territoire contre justement ce dégel du corps électoral qui allait ouvrir à 25 000 électeurs d'un coup. Donc les mobilisations, elles ont pris de l'ampleur. On en a parlé dans les émissions précédentes, avec un point culminant le 18 avril, où il y avait sur tout le territoire en gros 80 000 personnes qui sont descendues dans la rue, sachant que les Kanaks sont à peu près 120 000. Donc c'est juste énorme, en fait, ça, c'est du jamais vu. Et donc voilà, mais ce qui s'est passé, c'est que depuis le 13 mai, le 14 mai, c'était le vote à l'Assemblée nationale du passage de cette loi. Donc déjà, la répression, elle avait commencé le 21 février. C'est le début de la répression, et il y a deux camarades militants de la CCAT qui avaient été arrêtés et qui ont pris 2 ans ferme déjà. Donc c'était le premier début de répression. Et puis après, en fait, à partir du 13 mai, il y a eu un rapport de force qui s'est quand même accentué sur place, où l'USTKE a appelé à une grève dans deux fédérations assez stratégiques. C'était la Fédération des ports et docks, gens de la mer, et la Fédération des transports aériens et terrestres. Donc ça a été suivi à plus de 90%. Donc tout a été bloqué à part les arrivées commerciales. Donc ce qui a quand même mis une pression, et il y a eu une volonté de l'État de provoquer, en fait, de provoquer quelque chose. Et donc des forces de l'ordre sont parties dans le quartier populaire de Montravel, quartier où majoritairement Kanak et de population Kanak et océanienne qui habitent là. Et donc il y a eu des tirs de flashball en direction de jeunes Kanaks qui simplement étaient dehors avec un drapeau de Kanaki. Et à partir de là, c'est ce qui a un peu été l'étincelle qui a fait embraser aussi Nouméa, dans les différents quartiers populaires de Nouméa. Et à partir de là, la répression, elle a été terrible, en fait, avec une militarisation sur place qui a été énorme. Il y a eu aussi des milices racistes et coloniales qui se baladaient armées avec des armes de guerre en pick-up en direction des quartiers populaires, qui, eux, ont monté des barrages et se protégeaient aussi de l'entrée de ces milices. Il y a eu des tirs à balles réelles. Et pendant plusieurs jours, ça a été, il y a eu des émeutes. La jeunesse Kanak qui est discriminée, stigmatisée, et c'est elle qui s'est soulevée et qui a finalement, dans ce mouvement-là, imposé une suspension du passage de la loi, même si elle avait été votée à l'Assemblée. Donc, à partir de là, cette répression, la militarisation, elle a été sur tout le territoire. Il y a eu, en plus des 4 000 militaires sur place, il y a eu des envois de renforts énormes. Et la Kanaké a été bouclée pendant à peu près un mois et demi. Personne ne pouvait y aller. Même les journalistes ne pouvaient pas s'y rendre. Donc, Et donc, il y a eu, en chiffres, à peu près, sur plusieurs semaines, parce que ça n'a pas été juste sur quelques jours. Il se trouve qu'il y a eu quand même une dizaine de jeunes Kanaks qui ont été tués par balles, notamment aussi par ces milices. Donc c'est des assassinats extrajudiciaires. Jusqu'à maintenant, on attend toujours que ces enquêtes elles avancent. Je reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a un dossier qui a été classé comme par hasard. Enfin, non, pas comme par hasard, justement, c'est la justice coloniale. Et donc, au niveau des chiffres, ce qu'on a à peu près sur ce qui s'est passé en mai-juin, on est à plus de 3 000 arrestations qui ont eu lieu. Plus de 3 000 arrestations rapportées à la population Kanak, c'est juste énorme. C'est comme si en France, on avait 1,5 million de personnes qui se faisaient arrêter, quoi. Il y a un collectif sur place qui s'est monté, le comité de solidarité aux prisonniers politiques de Kanaky, qui a fait tout un travail de recensement aussi des personnes qui passaient en justice, les comparutions immédiates, etc. Il faut savoir que la défense aussi juridique, elle a été très compliquée parce qu'il y a très peu d'avocats sur place qui acceptaient de défendre des Kanaks. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées sans défense aussi. Et il y a même eu une tribune du barreau de Nouméa de 38 avocats. On en avait parlé à une émission qui était vraiment un torchon et qui stigmatisait le mouvement, qui stigmatisait la jeunesse et qui disait qu'il ne pouvait pas défendre des personnes qui avaient menacé leur famille. Enfin bon, c'était assez hallucinant. Et du coup, on est aujourd'hui dans les chiffres qu'on a, il y a près de 2 500 gardes à vue qui ont eu lieu. Il y a près de 500 déferrements en comparution immédiate qui ont eu lieu et on est à plus de 200 mises en préventive. Donc et près de 500 peines alternatives qui ont été prononcées. Donc ces peines-là, en fait, déjà les 3 000 arrestations, les plus de 3 000 arrestations qui ont eu lieu, en fait, ça a été une manière aussi pour l'État de déjà ficher tout le monde, clairement. Et puis là, toutes les peines, les près de 500 peines alternatives à l'enfermement, à la prison, ça a été des travaux, des tiges, quoi, des travaux d'intérêt généraux, mais aussi des interdictions de manifester, des assignations à résidence avec des privations de liberté qui sont assez généralisées, quoi. Donc là, on en est à peu près là sur les chiffres là-bas sur place. Toujours vis-à-vis de la répression. En juin, il y a eu aussi l'arrestation de militants, des mises en examen avec des accusations extrêmement lourdes. Donc des militants de la CCAT, qui donc la CCAT était criminalisée sur tous les médias comme étant des terroristes. Au début, il y avait eu ça, hein, de la part du Auxerre. Aujourd'hui, les accusations, ce pourquoi les personnes ont été arrêtées, mises en examen, c'est pas du tout des accusations. C'est pas, juridiquement, c'est pas du terrorisme. C'est de l'association malfaiteur avec des accusations criminelles, mais en leur mettant tout ce qui s'est passé à Nouméa sur le dos. Dont un gendarme qui s'est fait tuer alors qu'ils n'y sont pour rien, et ça n'a rien à voir avec leur activité politique, sachant que la CCAT avait toujours appelé à des manifestations pacifistes, etc. Et même la CCAT s'est fait déborder par les émeutes et tout, quoi. Donc voilà, ces personnes-là, elles ont été déportées en France, on y reviendra tout à l'heure. Donc il y a eu 11 arrestations avec mise en examen de ces militants-là. Il y a eu aussi, après, deux autres personnes, donc ça fait 13 à peu près, et il y a eu 7 personnes parmi elles qui ont été déportées sur le territoire français. Au niveau du CSPPK et de la CCAT, les personnes qui sont considérées comme prisonniers politiques aujourd'hui, c'est celles qui ont été arrêtées pendant les mobilisations sur place, pendant les manifestations, etc. Et aussi celles qui étaient sur des barrages. Les barrages qui étaient tenus à différents endroits de Nouméa et du Grand Nouméa et dans d'autres villes. Par contre, tout ce qui est du pillage, etc., de certains lieux, ils n'ont pas pris en compte les personnes sous le titre de prisonniers politiques, quoi. Donc en gros, il y a 56 personnes prisonnières en tout, revendiquées prisonniers politiques par la CCAT. Voilà. Un truc qu'on avait pas mal lu dans la presse à l'époque, c'est quelques comptes rendus de comparution immédiate de personnes qui avaient été arrêtées. Et ouais. Quand justement c'était des inculpations qui n'étaient pas liées au barrage ou quoi, en fait il y avait un fort truc de dépolitisation de la part des juges et des procs qui disaient non, mais en fait vous n'êtes pas des indépendantistes, vous n'êtes pas des militants, vous êtes des délinquants qui pillent les magasins, quoi. Il y avait un truc comme ça pour condamner en masse. Ouais. Et puis il faut se rendre compte aussi que la justice en Kanaky, c'est vraiment une justice coloniale dans le sens où les peines pour les mêmes faits, quand on passe devant un tribunal ici, pour les mêmes faits, les peines sont beaucoup plus lourdes déjà, même avant les mobilisations, elles étaient déjà énormes. Et au camp Est, les personnes qui étaient incarcérées, les condamnées, en fait, même avant les mobilisations, en fait, c'est 90% de Kanaks, le reste du pourcentage, c'est des Océaniens. Et voilà, c'est vraiment une question de classe et une question coloniale, la question carcérale en Kanaky. Et le camp Est, c'est l'ancien bagne aussi. C'est le bagne historique qu'il y a toujours eu, quoi. Ouais, et puis la tribune d'avocat là, dont tu parlais tout à l'heure, en fait, elle était très très claire sur de quel côté est la justice dans cette histoire, quoi. Carrément. Parce que finalement, les personnes qui sont passées en compas ou en procès se sont retrouvées devant un appareil judiciaire dont les gens sont des loyalistes favorables au rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France. Donc en fait, je crois que tu nous avais dit à l'époque qu'il y a une seule avocate kanak qui exerce. Non, il y a plusieurs. Il y a deux avocats kanak sur place. Après, il y a des cabinets qui sont solidaires, mais qui sont pas énormes. Hein. Ça se compte sur les doigts des deux mains. Mais voilà, c'est vraiment très peu par rapport aux besoins qu'il y a sur place et par rapport aussi, non seulement les besoins de façon générale, mais là, par rapport aux mobilisations. Et puis, au-delà du fait qu'il y ait eu des gens arrêtés, il y a eu aussi des exactions qui se sont passées, et donc où les gens ne sont pas forcément arrêtés, mais ont subi des choses de la part de milices, de la part de forces de l'ordre sur place, quoi. Avec des descentes dans les maisons, avec des bombes de désencerclement qui arrivaient sur les toits, des incendies, des tabassages, dans la rue. Enfin, c'était vraiment extrêmement violent, quoi. Il y a même des territoires qui ont été complètement bouclés par les keufs, le territoire de Saint-Louis. Saint-Louis, pendant des semaines. Il y avait carrément checkpoint pour pouvoir accéder. Les enfants, ils allaient à l'école, ils se faisaient fouiller les sacs, des enfants d'école primaire. Il y a eu deux morts, d'ailleurs, dans le coin de Saint-Louis, dans des conditions très suspectes, avec des morts par balles, dans des conditions très suspectes, avec les pantalons descendus, etc. Enfin, voilà, c'est extrêmement violent. Et c'est toute une génération qui, aujourd'hui, est marquée, en fait, par cette violence coloniale, et c'est un traumatisme, quoi. Et tu disais donc à Caen Est, c'est 90% de Kanaks et 10% d'Océaniens qui sont enfermés. Ouais. Et peut-être on voulait revenir un peu sur comment ça se passait à Caen Est. Du coup, au Caen Est, déjà, il y a une surpopulation qui est déjà énorme. Avant même le mouvement, enfin avant même le 13 mai. Et il y a des quartiers, c'est, les personnes elles sont enfermées dans des containers maritimes, voilà, avec un très petite fenêtre pour respirer, etc. Avec des personnes qui dorment par terre. Il y avait eu des rapports hein, du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui avaient été faits. Il y a l'OIP aussi qui avait fait des rapports sur la situation au camp Est. Et d'ailleurs, il y a eu une plainte et donc l'État a été condamné grâce au dossier de l'OIP en octobre sur le fait qu'il n'y ait pas eu d'amélioration le temps où il y a eu des rapports et notamment du CGLPL, le contrôleur des lieux de privation de liberté, et que ce temps écoulé n'était pas acceptable. Et du coup, il y a eu une condamnation récente de l'État là-dessus. Voilà, il y a aussi la situation de façon générale, tout ce qui est médical au camp Est. Bon, il y a une infirmerie, mais en fait, si les personnes elles demandent d'avoir un pansement ou des choses assez immédiates, elles attendent une semaine. Par contre, pour voir un psychiatre et se faire cachetonner, c'est tout de suite, quoi. Ça, c'est des témoignages qu'on a régulièrement. Et ça participe, en fait, à toute la violence qu'il y a à l'intérieur, quoi. Le quartier mineur, c'est horrible. Il n'y a quasiment pas d'éducateurs qui viennent sur place. Et la nuit, ils sont tout seuls. Dans tout le quartier. Mmh. Et c'est les matons qui font les rondes dans les autres quartiers, qui passent une fois de temps en temps dans la nuit, toutes les deux ou trois heures, mais sinon ils sont tout seuls. Enfin, c'est assez horrible. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'atelier, il n'y a rien au camp S, quoi. Et justement, quand la Kanaky était bouclée suite aux émeutes et tout, c'était particulièrement dur à camp Est. C'est ça, en fait, il y a eu des mutineries. Bon, déjà quelques jours avant le 13 mai, il y a eu une mutinerie au camp Est où les détenus se sont révoltés sur leurs conditions à l'intérieur, mais aussi savaient aussi ce qui se passait à l'extérieur. Et après, il y a eu des mutineries qui se sont poursuivies par ailleurs. Donc, il y a eu l'intervention du GIGN, du RAID. Et il y a eu un renfort des ERIS qui a été énorme à l'intérieur. Et une répression féroce, quoi. Des tirs de flashball, le gazage. Alors, par recoupement, par différents témoignages qu'on a pu avoir, on sait aujourd'hui, et l'OIP aussi le sait, des enquêtes qu'on a pu faire par différentes sources, par nos moyens, que ben, en fait, il y a eu sur plusieurs semaines, ça a été véritablement l'horreur à l'intérieur du camp Est à partir après le 13 mai. Bon, déjà, les personnes, les quantités de nourriture, elles ont été réduites considérablement. Donc, les détenus, ils ont été affamés pendant des semaines. Il y a eu des tabassages en règle dans les cours. Avec sortie des détenus, ouverture des cellules, tabassage en règle. Des gens on a eu des témoignages comme quoi des personnes ont été traînées au sol sur des tessons de bouteilles, des témoignages de détenus ou intervention des ERIS, ouverture de cellules, tabassage un par un, et puis se font prendre, mettre des serflex au poignet ultra serrés pendant des heures ou les mains qui gonflaient et mis dans une pièce remplie de pisse. C'est vraiment. Et par ailleurs, on a eu des témoignages qui nous sont revenus et on le sait. En mai, il y a eu un détenu qui est décédé au camp Est. Et ça, par contre, cette information-là, elle n'est pas sortie dans les médias. Et nous, de notre côté, on prépare un communiqué qui sortira. Et voilà, c'est un jeune qui sera originaire de Canala. Des témoignages qu'on a eus auraient subi des mauvais traitements et suite à tabassage seraient décédés d'une hémorragie. Donc ça, c'est un témoignage qu'on a pu avoir par différentes sources. Et aujourd'hui, c'est tout ça, en fait, où à un moment donné, quand on réclame justice et des enquêtes et vérité, c'est aussi sur l'intérieur de la tôle, quoi. Il y a eu 80 cellules à peu près qui ont été brûlées aussi. L'infirmerie était totalement fermée, les parloirs étaient suspendus. Il y a eu une centaine de prisonniers qui ont été transférés sur la prison de Koné, qui est une prison assez récente au nord de l'île, de la Grande Terre, où soi-disant c'est pour privilégier. En fait, ils prennent un peu tous ceux qui ont un bon comportement, etc. Et enfin, soi-disant pour de la réinsertion professionnelle. Mais en fait, ça a été une manière aussi de construire un nouveau centre pénitentiaire pour enfermer encore plus. Et voilà. Et donc, il y a eu beaucoup de. Du coup, les prisonniers se sont retrouvés dans d'autres cellules. Ils ont été transférés de quartier à quartier. Enfin, voilà, c'était vraiment. Et le camp S a été militarisé aussi autour avec l'armée. Voilà. Et puis, il y a eu des déportations, quoi. Il y a eu des prisonniers qui ont été déportés de façon forcée en France. Je ne sais pas si du coup on aborde cette question-là tout de suite, mais. Bah ouais, peut-être on voulait juste peut-être rajouter un mot sur les politiques sociales en Kanaky. Bah en fait, où est-ce qu'on en est aujourd'hui donc, au niveau du contexte en Kanaky? Du coup, au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, la loi qui devait passer après au Congrès de Versailles pour être validée, elle est suspendue. Donc voilà, mais par contre, depuis, il y a une pression de l'État pour faire passer un accord global en Kanaky. Donc il continue dans sa lancée. Et là, aujourd'hui, alors que le gouvernement en Kanaky avait quand même montré que c'était possible d'avoir un budget autonome pendant 2 ans. On revient sur des questions de financement par l'État français, de reconstruction, puisqu'on est dans une catastrophe quand même économique et sociale et tout. Mais du coup, c'est à double tranchant, en fait. Tout le monde n'a pas la même vision des choses, en fait. Certains disent, oui, c'est à l'État de reconstruire, parce qu'il est responsable, en fait, de tout ça. Bien sûr que l'État, il est complètement responsable de la situation aujourd'hui en Kanaky. Après, ça veut dire aussi investissement de l'État avec contrepartie derrière, et on craint justement l'accord global. Par contre, côté indépendantiste, c'est exiger la libération des prisonniers politiques tout de suite et qu'il n'y ait pas un accord ou quoi que ce soit de signé sans la libération, dans tous les cas, des prisonniers. Donc les élections provinciales, la question du dégel du corps électoral, ça va se reposer puisque c'est repoussé et ça aura lieu en 2024. Donc là, c'est en plein, il va y avoir une campagne aussi pour les provinciales. Hein, donc on va se retrouver dans la même situation que l'année dernière sur cette question-là. Et sinon, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a été dissous récemment. Donc là, il y a un nouveau gouvernement qui est en place. Et donc, c'est la droite qui est maintenant en place. Et par contre, au niveau de la province sud, je voulais juste dire que, avec toutes les arrestations qu'il y a eu là, je voulais juste rappeler que, parce que droite coloniale, raciste, etc., ça me fait rappeler qu'en fait, pour tous les assassinats qu'il y a pu avoir, sur les jeunes qui se sont fait tuer et les plaintes qui ont pu être déposées pour qu'il y ait des enquêtes. On voulait juste dire que on s'attend pas vraiment à grand chose une justice coloniale. Mais par contre, en décembre dernier, il y a un dossier qui a été classé parmi les jeunes qui se sont fait tuer, dont un jeune qui avait pris des balles le 23 juin à Caméré, qui était mort des suites de ses blessures. Et le dossier a été classé par le parquet à Nouméa en décembre dernier et sous motif de légitime défense. Alors ce motif-là, il est utilisé régulièrement et nous, ça nous rappelle quand même un moment historique en Kanaky. C'est le 5 décembre 1984. À Wanyat, près de la tribu de Tiendanit, dans la région de Oyengen, où il y a eu une embuscade par des caldoches en armes qui ont fait une embuscade sur 2 voitures de militants, remplies de militants, qui rentraient d'une réunion. Et il y avait les 2 frères de Jean-Marie Tchibaou qui étaient dedans. Il y a eu une tuerie, une dizaine de morts, plusieurs blessés. Et sur place, le procès qui a eu lieu, ça a été un procès qui était, enfin voilà, ce massacre-là, il a été historique aussi. Et le procès derrière a été une grande mascarade. Déjà, les tueurs se sont rendus en disant oui, on a tué. Enfin voilà, donc on le sait très bien, il n'y a pas eu ambiguïté là-dessus. Mais le verdict, c'était légitime défense avec préméditation. Ce qui n'existe en fait pas du tout au niveau juridique. C'est juste pour dire qu'en fait, la justice coloniale, quand on est dans une situation d'un territoire colonisé, la justice de l'État colonial, elle ira toujours dans le sens de l'État colonial et elle fera, en fait, elle est capable de mettre justement des verdicts comme ça qui sont des délibérés qui ne veulent rien dire juridiquement, mais qui vont toujours dans le même sens. Et donc les gens n'ont pas été condamnés. Il faut dire que ben, dans les tueurs là, des personnes qui, enfin, par rapport aux personnes qui sont fait tuer là en mai, il y en a un qui se balade quand même avec bracelet. Qui a été voilà, et puis ils sont pas inquiétés quoi, et les personnes qui se baladaient en pick-up avec des armes de guerre, elles n'ont jamais été inquiétées, au contraire elles ont été soutenues par la police, mais il n'y a pas eu que hein. La police aussi a fait des exactions etc hein. Mais a été soutenue par la police, par les forces de l'ordre dehors hein. On a des vidéos où ils étaient dehors tranquilles avec les forces de l'ordre à côté, et aussi protégés par des élus locaux quoi, qui même participent un peu des fois. Et qui participent, notamment Gilles Brial, Philippe Blaise, qui ont été identifiés quand même avec des gens en armes et qui ont été identifiés avec ces personnes. Et dont Gilles Brial, si je ne me trompe pas, qui avait tweeté méga avec une photo, avec lui, avec un gilet pare-balles. Mmh. Enfin bon, voilà, on en est là aujourd'hui. Donc là, en fait, le contexte politique, je reviens là-dessus, parce que le contexte politique aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui aujourd'hui sont à la province sud et à la tête de la province sud, notamment Sonia Backès, qui a un discours, et pas que elle, hein, mais même le député de la première circonscription, Metzdorf, Nicolas Metzdorf, ils ont un discours complètement haineux, raciste, vis-à-vis du mouvement indépendantiste. Et Sonia Backès, du coup, là, il y a des politiques qui sont en train de se mettre en place dans la province sud, c'est carrément du ségrégationnisme, quoi. Empêcher, par exemple, faire passer là des circulaire, enfin je sais plus comment, de quelle manière ils l'ont. Il y a empêchement, par exemple là, d'inscrire des enfants à la prochaine rentrée scolaire. Là c'est l'été en ce moment, les grandes vacances vont se terminer, il va y avoir la rentrée scolaire, et nouvel arrêté. En fait, ben les enfants des classes populaires qui ne peuvent pas justifier d'une domiciliation au nom de leurs parents ne pourront pas s'inscrire. Donc en fait, c'est carrément viser directement la population kanak et océanienne, des classes populaires, tous ceux qui sont dans des squats, tous ceux qui sont et il y en a quand même pas mal à Nouméa, tous ceux qui sont hébergés en venant sur Nouméa, qui sont originaires d'une famille qui est assez éloignée et qui sont hébergés par de la famille sur Nouméa. Ça concerne aussi toutes les personnes qui depuis en fait mai-juin se retrouvent sans travail, parce qu'il y a plus de 20 000 chômeurs, nouveaux chômeurs en fait depuis juin, et qui ont été chassés de leur logement quoi, parce qu'ils pouvaient pas payer leur logement. Donc en fait c'est vraiment là les politiques aujourd'hui, elles sont complètement en vue de ségréguer totalement et de discriminer la population kanak. Les transports sont ultra chers, les bus ils sont vides à Nouméa. C'est ultra cher, bien sûr, c'est pour aller dans les quartiers populaires aussi. Et qui peut se payer un ticket de bus aujourd'hui, c'est absolument énorme. Et autre chose, il y a un autre truc qu'elle essaye de passer et qui est assez ouf, quoi. C'est toutes les personnes, les victimes de violences conjugales, donc les femmes victimes de violences conjugales, doivent justifier de 10 ans de résidence dans la province pour pouvoir être suivies par des assistantes sociales. Donc si elles ne remplissent pas ce critère, elles sont renvoyées dans la province d'origine qui peut être à distance, qui peut être aussi dans le lieu où il y a le compagnon qui est violent, qui peut être... Enfin voilà, c'est complètement inimaginable d'empêcher une femme victime de quitter une région pour se mettre en sécurité dans une autre région. Enfin, c'est juste... Donc voilà, on est là-dessus. Et donc, mardi dernier, on était devant le tribunal de Paris parce que Christian Théin, qui est un des militants de la CCAT déporté ici en France, qui, depuis août, il est le président du FLNKS, du Front de Libération Nationale kanak et socialiste, a porté plainte pour diffamation contre Sonia Backès parce qu'il s'est fait traiter... par Sonia Backès à la radio publiquement comme étant le chef de terroriste quoi. Voilà, donc il y a eu la première audience là mardi, il va y en avoir d'autres en avril, en juin, en septembre, le 23 septembre, et je pense que le 23 septembre, on appellera à une mobilisation. C'est la veille du 24 septembre, date anniversaire de la prise de possession du 153 de la Kanaky. Le 24 septembre 1953. Et en même temps, les deux parties devront normalement être présentes. Donc voilà, et le jugement aura lieu en janvier 2026. Donc ça, c'est juste sur le dossier de diffamation. Donc voilà. Et la répression, bien sûr, elle continue. Hein. La justice coloniale, elle est toujours... Ça, on rappellera les dates. Quand ça arrivera et tout. Et juste par rapport à ce truc de politique sociale, avant qu'on parle des prisonniers qui sont ici, c'est vraiment le pendant de la répression policière et judiciaire, quoi. Donc ils vont mettre plein de gens en prison dans des peines dites alternatives à la liberté, tout ça, plus la violence policière qu'il y a eu. Mais en plus, ils vont vraiment faire une sorte de punition collective, comme il y avait à Saint-Louis là sur le blocus. Mais de manière générale, je crois que c'était cet été, ils disaient un truc genre on va supprimer les aides sociales dans la province sud parce qu'on va quand même pas soigner des gens qui on fait des émeutes, sachant que gens qui ont fait des émeutes, du coup, en fait, ça désigne juste la population kanak de manière générale. Quoi. C'est ça, exactement. Et puis même sur les chômages partiels, ça va être compliqué là, à partir du début de l'année. Sur les retraites aussi, c'est déjà compliqué. Oui, il y a une vraie politique de casse sociale généralisée, quoi. Mais pas pour toute l'île. Voilà. Du coup, peut-être on en arrive un peu aux déportés kanak qui sont fait envoyer en métropole, si tu veux. Peut-être expliquer déjà aussi ce que vous avez fait, parce que ça éclaire aussi bien le processus lui-même. Ouais, alors depuis mai, nous, on sait qu'on a eu des échos comme quoi, déjà le procureur à Nouméa a évoqué des déportations de condamnés de longue peine. Donc on s'est posé la question si ça allait être sur le territoire ici en France ou ailleurs ou sur d'autres territoires sous domination française. On s'est posé la question s'ils allaient être envoyés en Polynésie. Quand on a eu des doutes, on a eu des échos d'arrivée de prisonniers. Et fin mai, en fait, déjà, il y a un député guyanais, David Riemann, qui a posé en commission des lois la question directement au président de la commission des lois s'il y avait eu de déportation ou pas. Et ça avait été répondu par la négative. Et en fait, il y a une volonté claire vis-à-vis de... Il y a eu plusieurs vagues de déportations de condamnés, de prisonniers kanak condamnés qui étaient au camp Est. En plus des 7 personnes qui étaient mises en examen là, de la CCAT. Et il y a une volonté claire de l'État de flouter en fait, tout traçage en fait, de ces déportations. Qui sont illégales. La Kanaky, c'est un territoire non autonome. On ne sort pas des ressortissants comme ça. On ne les envoie pas à 17 000 km de leur famille comme ça. Et par ailleurs, des différents témoignages qu'on a pu recouper, en fait, clairement,